brûle mon doigt. Je reste à la lisière de toi. Tu restes à l'orée de moi. Quand on s'approche, on s'abîme. On se déchire tout bas. Ça a le goût d'une histoire. Mais c'est bien plus que ça. Déchire.